Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon matin, les amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 66 en ce lundi matin, le 15 février, c'est bien ça, lendemain de la Saint-Valentin. Et puis, j'espère que vous en avez profité pour faire l'amour, très important. Si vous êtes en posture de le faire, faites-le! Et puis, ouais, c'est ça, ce matin, mauvaise nouvelle, ça a l'air que ma collègue, wow, quel lapsus, ma conjointe a été exposée à quelqu'un qui avait la COVID à son travail. On a appris ça hier soir, vers 6h30, dimanche soir, c'est toujours bon. Fait que il a fallu qu'elle aille se faire tester et puis on est en attente des résultats. Alors, en attendant d'avoir les résultats, il faut que toute la maisonnée reste à maison. Ce qui est assez dommageable parce que c'était une très grosse semaine que j'avais, moi, cette semaine. Et puis, au moins les résultats, ça peut aller rapidement, là, une journée ou deux maximum. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est comme lourd un peu la vie ces temps-ci, là. On est fatigué tout le temps, la fin de semaine, manque d'oxygène, manque de lumière, manque de tout, tu sais. Puis, là, en fin de semaine, ici, l'année passée, j'habite dans un triplex. Je possède un triplex, j'habite le rez-de-chaussée, j'ai deux locataires en haut. Et puis, le chauffage de ces locataires-là est un vieux chauffage au gaz. Genre, il y avait une espèce de grosse fournaise épouvantablement laide en haut, dans chacun des apparts. Et puis, un jour, les assurances ont décidé qu'ils ne nous assuraient plus à cause de ces vieilles affaires-là. Fait qu'il a fallu que je fasse enlever ça au plus vite l'année passée parce qu'on n'était plus assuré. Donc, on a fait enlever ça et puis j'ai fait installer des cailles électriques, donc chauffage électrique à la place, des plaintes électriques dans le bas des murs. Et puis, ce faisant, quand l'électricien a fiché les fils, ça, ficher les fils, c'est quand comme le fil il passe dans le mur sans tout ouvrir, là, dans le fond. Ils font ça avec une genre de longue affaire en métal qui pousse le fil puis tu le pognes à l'autre bout. Bref, en faisant ça, ils ont déconnecté un ground ou quelque chose qui fait que ça l'a débranché au rez-de-chaussée, là où on habite, la lumière dans la deuxième partie de la chambre double de mon fils, les lumières extérieures de chaque bord de la porte, et puis il y a une prise de courant qui ne marchait plus aussi. Puis là, c'est vraiment désagréable ça, et ça fait longtemps qu'on voulait faire arranger ça. Puis, dans la vie, là, dites ça à vos enfants, là, ou si vous êtes jeune, là, recommencez votre vie, là, si vous voulez être millionnaire rapidement, devenez électricien, tu sais. Les études, je pense pas que c'est très long, là. Puis tout de suite, en sortant de la job, là, tes compagnons, là, ou apprentis, ou je sais pas comment ils appellent ça dans le monde de l'électricité. Et puis là, un an ou deux après ça, t'es électricien, puis là, man, tu sais, comme, tu respires plus tellement on t'appelle, et puis qu'on te donne de la job tout le temps, puis que tu manqueras jamais d'ouvrage en tant d'électricien. Sois un électricien, t'es assuré d'avoir du travail, tu peux charger 100$ de l'heure, tu peux fourrer le monde, tu peux tout faire avec ça. Fourrez pas le monde, s'il vous plaît, par exemple. C'est moins ça, le monde. Mais c'est ça. Hey, j'essaie d'avoir un électricien depuis tellement longtemps, puis ils nous snobent, ils veulent pas, ils nous rappellent pas. C'est très difficile d'avoir un électricien. Je pense que aussi c'est parce que c'est un immeuble de 1927 et puis c'est des murs en latte avec du plâtre puis de la vieille électricité. Puis il y a bien du monde qui veulent pas le faire. Moi, je suis quand même surpris, pareil, qu'on veuille pas comme faire cette job-là, que oui, c'est vieux, là, mais tu sais, force-toi un peu, c'ti. Puis c'est quand même 100$ de l'heure qu'on te paye, là, tu sais, c'est pas rien, ça, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, j'ai réussi à en trouver un. Et puis, il est venu en fin de semaine. Et puis, il a tout arrangé ça. Puis, moi qui pensais qu'elle allait être une job de 3 heures à peu près, à 90$ de l'heure, finalement, ça s'est avéré être une job de total 11h15, mais il y était deux. Moi, je savais pas ça, hein. Je pensais que c'était 90$ pour le faisage de la job, tu sais. Que tu sois 10, que tu sois 1 sur le chantier, je paye pour l'heure, tu sais, qui est consommée. Mais non, c'est 90$ par tête de pipe, il y était deux. Alors, c'est pour ça que ça a fait 11h30. Fait que je m'attendais à une facture de, je sais pas, moins 600-700. Finalement, ça a coûté 1400. Vous voyez quand tu compares ça avec des jeux vidéo. T'sais, je viens de dépenser 1400$ en électricité. C'est, tu sais, l'argent, c'est, ça passe tout le temps comme ça. te lèves un dimanche, tu te dis, hey, bon, ben, j'ai dépensé 1400$ d'électricité aujourd'hui. C'est de même, Chris. Mais c'est ça. Au moins, c'est fait. Là, ça, c'est le fun. Et puis, pour ce faire, ce travail-là, moi, je parle de tout sauf des jeux vidéo ici. Ça, c'est fucké. Salut tout le monde. Je vais parler de jeux vidéo tout à l'heure. Et puis, c'est ça. Pour ce faire, dans ma vieille maison, ils ont fait des trous partout, tu sais, pour que les fils passent ici et là. Fait que là, faut boucher ça. Puis, l'électricien m'a référé un bon gars de plâtre. Puis ça, là, dans la vie, là, tu veux ça, un bon gars de plâtre. Parce qu'il fait ça au plâtre de Paris, là, pas de sablage. Et puis, 25$ de l'heure en dessous de la table, moi, ça me va parfaitement. D'après moi, il y en a pour 4 heures. Tu sais, il y a des petites dépenses de même. Je suis comme d'autres, viens me sauver la vie, là. Je te le donne cash, puis règle-moi ça, puis c'est terminé pour toujours. Tu sais, ça me dérange pas. Mais tu sais, des grosses factures, tu fais pas ça en dessous de la table, là, parce que, tu sais, il y a des dépenses à déclarer. Mais on va voir. Ben c'est ça, tu sais, des bons jobbeux, là, tu sais. Puis il est venu, il a évalué ça, il va faire ça rapide, c'est merveilleux. Fait que là, il est supposé venir, puis tu sais, comme cette job d'électricité-là, ça a fait de la cochonnerie partout dans la maison, de la poussière. Tu sais, on a quand même bloqué les choses, mais il y avait de la poussière partout. Et puis, ça, c'est déprimant, tu sais. On a été beaucoup dans les travaux ici avec le sous-sol puis le rez-de-chaussée. Qu'on aurait fait faire la cage d'escalier, puis effectivement, en effet, scier du plâtre de la vieille latte, c'est un cauchemar, là. C'est dégueulasse. Tu te sens sale chez vous. Il y a de la poussière partout, tu sais. C'est vraiment pas le fun, là. Puis c'est ça qui est arrivé samedi. Et puis là, les électriciens étaient supposés faire une autre affaire, ils n'ont pas eu le temps. En tout cas, ils sont partis, puis c'était le bordel. Il y en avait sur le divan, il y en avait sa table à manger, là. C'était. Mais on voulait faire un genre de souper de la Saint-Valentin en famille, parce que pendant le COVID, on fait rien que ça, bouffer, genre, puis se faire des soupers le samedi soir en famille. Mais là, c'était un peu déprimant, tu sais, parce que c'était sale. Mais on a quand même réussi à le faire. Mais c'est ça, tout ça pour dire que là, je suis pogné à la maison, en attente de résultats de COVID. Puis mon gars de plâtre ne peut pas venir finir la job. Il est supposé venir mardi, demain. Mais là, si on n'a pas le résultat d'ici demain, faut que je le repousse, lui-là, là. Fait qu'on continue de vivre dans la marde là, pendant ce temps-là. Puis moi, je suis tanné là, de ça. Là, ça, on est coincé avec ça. Puis c'est vraiment chiant. Puis chez Retro MTL, aujourd'hui, lundi. Les lundis, c'est toujours très occupé. Parce qu'on a tout le shipping de la fin de semaine à faire. Donc, il y a plein de commandes à sortir les jeux des tablettes, les mettre dans les boîtes et faire les étiquettes et tout ça. Faut répondre à tous les petits clients qui ont comme des demandes. Ah, j'ai... Dans ma commande, peux-tu enlever tel jeu, mais j'aimerais rajouter tel jeu. Tu sais, faut vraiment être à l'affût là. Faut checker les messages et tout parce qu'il y a tout le temps des exceptions. C'est bon, ah, je l'ai marqué comme shipping, mais je peux-tu venir le chercher en magasin à la place. Fait que gérer les exceptions comme ça, tu sais, faut être tight. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis ce matin, on se fait livrer les deux derniers racks chez Retro MTL qui contiennent les jeux. Puis là, je suis content parce que on a eu 2/4 à venir jusqu'à la date, plus le présentoir au mur avec les vitres. Et puis, on s'est rendu compte qu'avant, on avait 3 racks blancs sous le plancher. Je sais pas si j'ai déjà dit ça la semaine passée. En tout cas, dernier épisode. On avait 3 racks en grillage blanc. Puis le contenu de ces 3 racks-là fit dans seulement 2 de nos nouveaux racks en bois. Puis là, même, il y avait encore plus, il restait de la place. Puis là, en plus, on va avoir 2 autres racks. Fait que là, on va comme doubler là, tout ce qu'il y a sur le plancher entre vos mains. Puis ça, c'est merveilleux. Fait que là, on a tout un remue-ménage à faire, de remonter de l'overstock du sous-sol pour en remettre sur les tablettes. On va comme enlever des affaires des présentoirs, mettre ça dans... Ben, les présentoirs comptoirs, là, dans le fond. Puis on va mettre ça dans notre nouveau présentoir vitré, comme les objets qui ont de la valeur et tout. Fait que, tu sais, il y a comme tout un remaniement de magasin à faire. Il y a un gars qui est venu nous porter le lot. On achetait un lot d'une grosseur importante à quelqu'un qui était supposé passer cette semaine. Finalement, il est passé à vendredi 4h30. Il est 4h30. Le bénisse était là en train de gosser dans les vitres. Il y avait du monde. Là, je suis comme, oh, man, j'ai pas le temps de tester 10 consoles puis de checker là, un par un tous les disques, tu sais, comme ben. Fait que. Il a été bien cool, là. Il nous a laissé ça. Puis dans le fond, on va juste repasser au travers pour s'assurer que tout est là ce matin. Et puis il va revenir se faire payer aujourd'hui. Et on fait brancher le système d'alarme au nouveau local cet après-midi aussi. Fait que aujourd'hui, lundi, c'est genre la plus grosse journée, là. Journée de fou, là. Mais je peux pas y aller. Je suis à la maison. Fait que. C'est bien tannant. petite gorgée de café. J'ai déjà pris un café complet. Je vais siroter celui-là tranquillement. Fait que non, mais c'est correct. On va manage. Dans le fond, on a rappelé un employé qui va venir cet après-midi couvrir à shop pendant que Joe va aller au niveau local pour voir le nouveau système d'alarme. Fait que c'est ça. Bien des choses à gérer. Mais c'est très excitant, ça, quand même. Je pense pas qu'on ait la COVID ici. On n'a pas de symptômes. Donc, d'après moi, je devrais pouvoir retourner au travail demain ou mercredi. J'espère que demain... Ben, en fait, demain, c'est sûr que je vais pas parce que j'ai mon gars de plâtre. Fait que mercredi. Puis c'est mercredi qu'on fait notre déménagement. Donc, mercredi, on pogne les chars, on vide la place de ce qui reste. On a déjà fait un peu la semaine passée, encore, mais il reste encore beaucoup de choses, là. Mais là, c'est ça, on était coincé à agence. Qu'on déménage maintenant, on a besoin dans notre roulement de tous les jours, mais à un moment donné, il faut tracer une ligne et dire c'est à partir de ce moment-là qu'on s'en va. Et c'est mercredi cette semaine. Donc, juste la station de réparation à notre technicien Carl, comme il y a du stock, là, c'est fou, là. La semaine passée, on est allé à l'autre local commencer à défaire des boîtes, des bacs, puis placer ça dans nos étagères. On a tout replacé les étagères un peu. T'sais, comme ici, on va recevoir la marchandise. Ici, c'est la réparation. Ici, c'est le testage. Dans mon bureau, il y a ça. Dans le bureau là, pour prendre les photos, ça va être là. Bref, il y a beaucoup de choses à voir. Puis, t'sais, c'est comme quand tu déménages dans une nouvelle place. Hein, tu places tes affaires, puis avec le temps, tu te rends compte, ouais, on serait peut-être mieux avec ce meuble-là, là, puis tout. Fait que, on va vivre avec, là, mais c'est ça. Ça prend une base, et puis on est en train de la setter. On a un espace cuisine aussi. Ben, cuisine, salle de conférence, dur à dire. Fait que on a reçu des meubles qu'on avait acheté à une compagnie de recyclage de meubles la semaine passée. Donc, juste pour compléter notre beau trousseau de meubles de seconde main. Et puis, on a un beau frigo, par exemple. Puis, une table de conférence look un peu années 80, là, en forme hexagonale, là, allongée, genre. Mais quand même, elle fit parfaitement dans l'espace. T'sais. Fait qu'on est bien excités de ça. Là. Ça va vraiment être cool. Fait que tout ça se passe, tout ça est excitant, mais je peux pas y aller tout de suite. Mais surveillez ça, on va faire des publications sur les développements. Puis, ben ouais, dans le fond, la semaine passée, c'était notre semaine de réouverture, puis ça a fait vraiment du bien. Juste d'avoir des clients en place, là, tu sais, ça rajoute de la vie un peu, là, tu sais. Pendant le mois de fermeture, on s'en est quand même très bien sorti grâce aux ventes en ligne. Merci à tout le monde qui ont acheté chez nous d'ailleurs. Et puis, tu sais, on se maintenait. Quoique la dernière fin de semaine a été vraiment tranquille là, au niveau des ventes, là, comparé à d'habitude. Donc, ouais, ça a fait du bien. Le stock, c'est pas le même stock qui part, tu sais, aussi. Quand il y a des gens qui viennent en magasin, tu sais, ils fouillent un peu, puis achètent d'autres gogos, tu sais, que des fois, tu vois pas sur le site web. Donc, en vrai, puis en ligne, tu sais, c'est un bon mélange, là. Moi, je le vois dans les ventes, là, tu sais, on est notifié de chaque vente qui se passe en magasin. Je regarde, je m'amuse à regarder c'est quoi que les gens achètent, tu sais, à distance. Puis, il y a comme une différence, tu sais, la fin de semaine, il y a beaucoup de jeux à disque qui partent, là, Xbox, PlayStation, tout ça, tu sais, le monde s'achète un petit jeu, 2-3 pour notre promotion à 3-2 pour les jeux à 10 et moins. Donc, c'est ça, je vois une différence d'items magasinés en ligne. Tu sais, en ligne, on a vendu beaucoup, on a pas mal entamé la collection NES qu'on a reçue. Et puis, on a mis beaucoup en ligne. Puis ça, les jeux complets, NES, en boîte, même loose, en fait, ça part plus en ligne qu'en magasin, vraiment. Tu sais, je me rends compte de ça. Mais en magasin, il y a beaucoup de jeux à disque qui partent. Donc, bref, tout ça est merveilleux. Tout ça, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui partent. Ça libère. On va remettre du nouveau stock. Les lots ont recommencé à rentrer aussi, bien sûr. C'est beaucoup plus facile maintenant. On a reçu une petite collection qu'on a achetée à distance. On fait ça aussi, hein? By the way, si vous écoutez ce podcast-là, que vous voulez nous vendre vos jeux, on s'entend. Vous nous envoyez des photos, on fait une évaluation, vous faites le shipping, on vous paye sur réception de la marchandise. T'sais, on fait ça quand même fois de temps en temps. Là, et puis, on l'a fait pour des collections assez solides, là, de plusieurs milliers de dollars, donc si vous êtes à l'autre bout du Québec, en Ontario, n'importe où, on peut vous acheter vos jeux à distance. C'est pas un problème. Donc on a reçu ça aussi. Bref, c'est bien, là. Ça... On commence à avoir du stock qui s'accumule au sous-sol. On va pouvoir s'en occuper puis garnir les tablettes comme avant, là, tu sais. Donc, très, très heureux de ça. La vie reprend aussi pour le podcast Rétro Nouveau. Demain, le 16 février, on enregistre l'épisode 186, je crois. Je vais publier ça, on va annoncer ça tantôt. Donc, on revient cette année aux deux semaines avec Rétro Nouveau. Merci à notre commanditaire Microbrasserie Pixel qui nous a bien biéré la semaine passée. Ça fait du bien ça aussi. Donc, regardez ça, il y en a peut-être qui écoutent mon podcast, qui ignorent que Rétro Nouveau existe dans le fond. Donc, Rétro Nouveau est un podcast de jeux vidéo de toutes les générations. On podcast depuis 2011, alors rétronouveau.ca pour tout ce qu'on a fait depuis ce temps-là, ou aller voir notre page Facebook. Parlant de Facebook, d'ailleurs, vous avez vu sur la page Facebook de Papa Cassette, j'ai fait une annonce que j'ai parti un groupe qui s'appelle « Finir des cassettes ». Donc, si vous suivez ma page Facebook, vous voyez que chaque fois que je finis un jeu, je prends des petites photos avec mon téléphone, je publie ça, puis je fais un très, très, très rapide et léger review du jeu, de mon expérience. J'aime ça faire ça, et puis aussi ce que j'aime faire, puis vous êtes probablement déjà au courant, j'aime dresser une liste des jeux que je termine. J'ai un Google Sheet dans lequel, à chaque année, chaque fois que je finis un jeu, je l'ajoute dans ma liste. Donc, le titre du jeu, sur quelle plateforme, quelle date je l'ai fini. Puis à côté, j'écris une petite note. Là. Si je l'ai fini à medium, hard, easy, quoi que easy, jamais. Mais des choses comme ça. Je mets pas le pourcentage, par exemple, quand c'est des jeux qui ont des pourcentages, parce que je peux toujours y revenir puis ajouter le pourcentage. Puis à un moment donné, je veux pas virer fou avec ça. J'ai pratiquement jamais le temps. Je prends jamais le temps de finir les jeux à 100% parce que un coup, t'as fini le jeu, j'ai tellement un gros backlog. T'sais, j'étais dans du jeu à jouer que... T'sais, comme mentalement, il y a une déconnexion qui se fait, puis je passe à un autre. Mais quand je vois que je suis rendu proche du boss de fin, je retourne faire la map une couple de fois pour essayer de ramasser des affaires, là, t'sais, au lieu de comme, finir le jeu le plus vite possible. Donc pour les jeux à pourcentage, c'est comme ça que je marche. Mais c'est ça, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, puis dresser une liste de jeux que tu termines, ça donne un petit... Ça t'encourage, tu sais. C'est comme, tu le mets sur ta liste, là, t'es content, tu sais. Moi, j'aime ça faire ça. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aiment ça aussi dans mon entourage et puis ben, sur Facebook en général. Fait que j'ai fait ce groupe-là, Finir des cassettes. Là, j'ai fait un visuel vite là, pour le groupe. Là, j'en suis pas vraiment 100% satisfait, je dirais. Ça fait la job, c'est très dark. J'ai pas une journée à mettre là-dessus pour l'instant. Fait que j'y reviendrai à un moment donné. Je voudrais que ça soit un peu plus up la vie comme visuel. Mais en tout cas, ça fait la job. Et puis, allez voir ça, Finir des cassettes. Donc, c'est pas compliqué. Vous finissez un jeu, vous prenez une photo avec votre téléphone. Et puis, voilà. Vous mettez ça là-dessus. Excusez. Bon, excusez. J'étais comme... Il fallait que je gère de quoi. Donc, c'est ça. Vous prenez des photos de votre jeu, et puis du jeu que vous avez fini, puis vous mettez ça là, et puis vous mettez une petite description et tout et tout. C'est un groupe qui... Vous n'avez rien à gagner, donc j'ai pas de règles dans ce groupe-là, mais j'ai quand même établi quatre paramètres. Donc, il n'y a rien à gagner, alors soyez sincères. Mettez des photos des jeux que vous finissez, puis that's it. Si jamais c'est vous trichez, ben vous n'avez que c'est vous qui le saurez tout simplement. Et puis ça s'appelle Finir des cassettes, mais tu sais, c'est pas obligé d'être des cassettes là. Ça devrait s'appeler Finir des jeux vidéo simplement, mais j'aimais ça les cassettes parce que j'arrête pas de papa cassette et tout. Donc passer la cassette, finir la cassette, tu sais, on disait ça quand on était petit. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais ça peut être n'importe quel type de jeu et ça peut être sur n'importe quelle console. Ça peut être sur émulateur aussi, si vous voulez. C'est pas... l'important, c'est de finir. Par contre, il y avait un petit quelque chose. Tu sais, comme moi-même, mettons, présentement, je joue un jeu que je peux sauvegarder dedans, tu sais, avec des save states. Ça serait bien d'essayer de finir un jeu legit sans profiter des save states. Outre que pour mettre un jeu sur pause parce qu'il faut que tu ailles te coucher ou que tu ailles gérer autre chose. Moi, c'est de même que je les utilise, c'est de même que je vais les utiliser avec les Everdrive que j'ai commandé, que je vais avoir par la poste pour le NES et le Game Boy Advance. Parce que c'est ça, je me suis rendu compte. J'en ai-tu parlé de ça, non? Que j'ai commandé des Everdrive. Je vais y revenir. Mais bref, ouais. Utilisez les save states juste pour laisser votre game sur pause, mais essayez de pas tricher avec ça, tu sais. Mais c'est ça, dans le fond, je me suis pogné un Everdrive et puis je vais pouvoir jouer au NES et puis laisser mes games sur pause. Au lieu de laisser ma console sur pause, je vais pouvoir saver mes games là où je suis rendu, dans la cartouche, au lieu de laisser ma console sur pause pendant une semaine, le temps que j'y revienne. Puis là, j'ai vraiment un autre problème. Je pense qu'on manque de TV, tu sais. Le problème étant que mon plus vieux, il joue au PS4 sur la télé du sous-sol, là où sont branchées absolument toutes mes consoles. Mon plus jeune joue souvent à la Switch, ce qui fait que moi, ben, je joue au Game Boy présentement, ou je joue à la Switch avec mon plus jeune, mais je peux jamais jouer NES, Super NES, Genesis, tu sais, j'ai Saturn, j'ai pas accès à mes machines, parce que quand c'est un temps d'écran, il y a tout le temps un enfant dessus, la TV. Fait que je trouve ça un peu plate, j'ai un problème, je sais pas comment régler ça. Là, une autre TV dans la maison, tu sais, juste pour la PS4, ça commence à faire beaucoup de TV, là, beaucoup de jeux vidéo, je trouve. Fait que il va falloir que je voie ça. C'est pas simple. Mais en tout cas. Finir des cassettes sur Facebook. Allez voir ça. Il y a aussi un autre groupe. Si vous êtes amateur de bière, vous aimez ça poser des bouteilles de bière avec des cassettes ou des jeux vidéo. Le groupe le Club Vidéo Blond que j'ai parti avec Éric Hébert. Il y a combien de temps? 2 ans, je me rappelle plus, ça fait un bout. Donc c'est des petits groupes là, comme ça pour le fun. Si ça devient gros, tant mieux, mais c'est fait là avec aucune ambition. C'est pour le fun, vraiment. Et puis des fois je suis actif, des fois je le suis pas. J'étais moins sur Vidéo Blond ces temps-ci. J'ai moins bu de bière en même temps que le gaming, je sais pas, j'étais moins là-dedans. Mais amusez-vous, allez-y, puis amusez-vous avec ça. Ces temps-ci, je regarde beaucoup aussi, puis c'est un genre de sujet que je veux entamer, les jeux gradés, ok? Vous savez que ça existe, ça, dans le fond, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais mettons, vous avez des cartes de hockey, et puis vous les envoyez à une compagnie qui les met dans un plastique, puis qui attribue une note par rapport à la valeur, la condition, etc., etc. Bon, ça se fait aussi depuis... déjà quelques années quand même, dans le domaine du jeu vidéo. Et puis là, c'est rendu là, vraiment comme un phénomène. Et puis, en étant dans la vente et dans la collection et la vente et dans les jeux vidéo rétro, c'est quand même quelque chose qu'il faut que je me garde à l'affût. Et puis, moi, personnellement, je recherche pas ça pour ma collection. J'ai pas la piqûre de ça encore. Et puis, dans le fond, quand t'envoies un jeu vidéo se faire grader, les gens font affaire avec les deux compagnies principales, c'est VG... Oh, c'est quoi donc? VGC? VGA, excusez. Ça, VGA? D'abord. Qu'est-ce que je dis? Hey, c'est tout qu'un show aujourd'hui, hein? C'est... VGA, c'est ça. Video Game Authority Homepage. Donc, VGA Grading, ou sinon WATA. WATA. Donc, c'est les deux compagnies principales qui font ça, les deux plus populaires. Et puis, moi, j'aurais tendance à préférer WATA, simplement parce que les gens qui sont dans le grading préfèrent WATA. Et donc, WATA attribue plus... le même jeu gradé par les deux compagnies, je pense que WATA aurait plus de valeur. Parce que c'est la compagnie que les gens préfèrent, dans le fond. Et puis, quand tu envoies un jeu là-bas, ils ont une équipe de professionnels qui évaluent tout ça. Tu sais, faites grader des jeux sealed, là, des jeux qui n'ont jamais été déballés. Là. Sinon, des jeux déballés ou des cassettes loose, ça donne à rien. Tu sais, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de grader des jeux sealed, des jeux neufs. Tu sais, puis allez pas acheter un Mario 3D World et l'envoyer faire grader. Tu sais, on s'en sac, là, ça n'a pas de valeur. Là, tu sais. Mais mettons, tu as chez vous, moi, je sais-tu, un contrat au NES en boîte sealed, propre, qui n'a jamais été déballé. Ça vaudrait peut-être la peine de l'envoyer là-bas. Donc, tu as un processus, il faut que tu l'envoies par la poste, bien sûr. Et puis, là-bas, tu choisis... Il y a des catégories, là, tu choisis comme la vitesse, dans le sens que tu veux-tu le revoir le plus vite possible, tu sais, ou tu peux leur laisser un petit bout de temps. Tu peux choisir une option de nettoyage aussi, ils peuvent te le nettoyer si jamais il y a des affaires que tu sais, comme tu voudrais enlever, mais que tu n'es pas sûr. Puis, un coup qu'ils font tout ça, ils mettent un petit panneaux en haut. C'est comme, c'est encastré dans un plastique, ça bouge plus. T'as plus jamais accès à ton jeu une fois que c'est là-dedans. C'est comme Yann Solo là, dans la hit. Vous êtes tous en train de le dire, puis moi je m'en souviens plus. En tout cas, Yann Solo dans le truc de carbone, là, tu sais, puis il est dedans, c'est fini. Et puis, c'est ça. Puis, il te renvoie ça. Puis, t'as un petit label en haut qui te donne la note. Et puis, d'autres specs, là, le titre du jeu, la plateforme, bon. Et puis, tu peux choisir. Il y a deux. Ben là, je parle pour Wata. Il y a deux formes de. Tu peux mettre ton petit écriteau sur le dessus ou comme une petite pancarte. Bref, tu choisis quelques options. Ils font ça. Ils te le renvoient. Moi, j'ai choisi l'option le plus slow parce que. Ben, j'ai choisi, en fait. Chez Retro MTL, on a reçu, enfin, l'année passée, tu sais, on a reçu une collection pas pire, puis on avait dans des jeux GameCube, on avait trois jeux GameCube sealed. Metal Gear Twin Snake, Zelda Ocarina of Time, Wind Waker, et l'autre, je m'en rappelle plus, man, je pense que c'est Mario Sunshine ou Luigi's Mansion. Il était sealed, cependant, il y en a un qui était Player's Choice, une autre version canadienne, tu sais, fait que. On voulait l'essayer, dans le fond. Fait qu'on a envoyé ça, et puis là, ça fait des mois, là. On a envoyé ça en novembre, et puis on n'a toujours pas de nouvelles de ça. Je suis conscient que j'ai choisi l'option la plus lente, là, mais c'est très long. Et puis, je me suis renseigné auprès des contacts que j'ai qui en font grader beaucoup, puis effectivement, ça peut être très long. Donc, faut pas être pressé. Et puis, c'est ça. Mais, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que. Il y a une page Facebook. Puis je vais vous la dire à l'instant. Je déparle aujourd'hui, là, c'est dégueulasse. Là. Ça s'appelle High End Game Room. Donc H-I-G-H-E-N-D, tout ensemble, Game Room, en deux mots. Et puis ça, c'est une page Facebook qui a juste des jeux de grande valeur. Et puis c'est écrit dans les règlements au début. Tu sais, personne, il n'y a aucun commentaire négatif sur les prix ou un petit emoji de bonhomme qui rit qui va être toléré, c'est ban automatique, tu sais, c'est une place où est-ce qu'on parle juste de jeux qui valent très cher, de 100$ à plus d'un million quand c'est écrit dans la description, ça j'en ai pas vu, j'ai joint ce groupe-là depuis deux semaines, mais c'est ça, mais bien sûr, c'est juste des jeux gradés, là, à 95% là, qu'il y a sur cette page-là, mais je trouve que c'est une bonne place pour observer comment ça se passe, puis le monde qui vire fou avec ça. Parce que le monde font grader n'importe quoi, tu sais. Vraiment, là. C'est n'importe quoi. C'est rendu qu'à chaque fois qu'il y a comme quelqu'un trouve un jeu sealed, aussi médiocre soit-il, il l'envoie se faire grader, tu sais. À un moment donné, il n'y aura plus de jeu sealed dans nature, tu sais. Ils vont tout être gradés. Mais là, moi, ce que je me demande avec ça, c'est qui les achète, ces jeux-là. Un qui m'a frappé, là, c'était Street Fighter 2. Au Super NES, le premier, là, Street Fighter 2, dans le fond, le premier qui est sorti. Et puis, le gars, il avait fait grader ça, et puis il vendait genre 6-8 000 piastres, là, je ne m'en rappelle plus. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'il y a de la revente de ça, ou qu'il y a comme un buzz ou un market autour de ça. Les gens, les gens, ils trouvent un jeu sealed qui paye pas vraiment plus cher, tu sais, comme les jeux GameCube qu'on a envoyés nous autres pour tester ça. On les a payés le prix du CIB, tu sais. Fait que ça nous coûte juste le prix de le faire grader, tu sais, pour peut-être booster la valeur, tu comprends? Mettons que je dis n'importe quoi, là, mettons que Wind Waker sealed, je dis n'importe quoi, je sais pas comment ça vaut, j'ai pas regardé, là, mais mettons que ça vaut 300$, sealed. Puis le processus de le faire grader, ça revient à 80$, mettons. Ben le jeu, on l'a payé 380$, tu sais. Et puis, j'ai-tu dit qu'il valait 300$? Le jeu, il vaut 300$, rajoute 80$. Donc, pour le rentabiliser, faudrait qu'on le vende 380$, tu sais. Mais le 80$ d'investissement pour faire grader un jeu peut faire booster drastiquement la valeur du jeu, tu sais. Puis peut-être qu'on en arriverait à le vendre à 800 parce qu'il est gradé, tu comprends? Mais moi, c'est ça que les gens, ils font. Ça l'invente de la valeur au jeu, tu sais. Fait que le monde, ils font grader tout. Pire des cas, ton jeu de merde, sealed, maintenant gradé, aura coûté 80$ à le faire grader, mais si t'es capable d'en tirer un 200$ de plus, rien que parce qu'il est gradé, ben déjà, tu gagnes, tu sais. Ou 20$, tu gagnes déjà. Fait que, tu sais, tu perdras jamais plus que la valeur du grading, dans le fond, là. Fait que c'est pour ça que le monde, ils font grader tout. Puis là, moi, ce que je me demande, qui les achète, ces jeux-là? Je connais peu de gens qui sont intéressés à ça. Ben, peut-être parce qu'au Québec, le phénomène est très nouveau. Moi, je connais du monde en Ontario, puis je vois beaucoup ce qui se passe là-bas, puis eux autres, ils capotent avec ça. J'imagine qu'aux États-Unis, c'est pareil, tu sais. Puis tout ça est avec la flambée, là, de pas eBay, mais l'autre site, là, Héritage, là, je sais pas quoi, là, des gens, où est-ce qu'il y a des jeux Atari de Spider-Man qui se vendent 20 000$, puis tout ça, tu sais. On dirait que la folie est bas, les Super Mario à 35 000, je sais pas trop, tu sais. On dirait que la folie est basée là-dessus. D'accord que vous basez la folie là-dessus, mais crime, faut les vendre ces jeux-là, tu sais, moi c'est... Ou on les fait upgrader puis on les garde à la maison jusqu'à ce qu'on pogne quelqu'un qui le veuille vraiment, tu sais, c'est... Il est où le profit là-dedans, tu sais, fait que c'est vraiment... Ça m'intéresse, je m'intéresse au phénomène, je trouve ça bizarre. Mais je me demande qui les achète, ces jeux-là, tu sais, quand même. Puis il y en a, là, puis ça grade, là, tu sais, des Stadium Event CB gradé, tu sais, comme des gros jeux, là, tu sais. Mais là, où est-ce que je vois le monde qui font grader des jeux très moyens ou très, très, très communs, qu'on s'en fout un peu, puis qu'ils essayent de vendre ça 8 000$ puis 10 000$, là, moi, c'est comme, d'où t'achètes du vent, là, tu sais, c'est l'enfer, t'sais. J'arrive pas à comprendre ça. Mais en tout cas, on l'essaye pareil. Je suis comme juste curieux de voir les jeux revenir et qu'est-ce que ça donne. Pour vrai, je considère envoyer mon Stadium Events là-bas pour le faire grader parce que c'est juste un jeu loose, mais c'est tout de même un jeu d'une très grande valeur. Puis l'avantage de ça aussi, c'est que ça authentifie la chose, tu sais. Donc, on avait un Donkey Kong Country compétition week-end là, au Super NES là, chez Retro MTL. Finalement, on l'a vendu à un contact proche qu'il voulait vraiment. Mais on considérait le faire grader comme ça. Après ça, si tu veux le vendre sur eBay, c'est legit. C'est sûr que c'est la vraie affaire. T'sais. Fait que ça serait un vrai Stadium Event. De le faire grader, ça me coûterait, je sais plus, moins 100$. Puis peut-être que là, je l'ai payé 16 000, peut-être que je le vendrais 25 000 si je voulais le vendre. Je sais-tu, moi, tu sais, c'est... J'ai envie de le faire, puis je pense que je le ferais juste pour ce jeu-là. Ben, j'ai pas de jeu sealed, là, vraiment. De toute façon, on part des jeux Atari, mais on s'en fout. Mais j'ai peur d'envoyer ça par la poste, comme demain, tu sais. Salut, Stadium Events dans le mal, aux États-Unis. Je veux pas, tu sais, faire les assurances là-dessus, ça serait horrible, tu sais. Fait que je sais pas trop, mais j'y pense quand même beaucoup. Je pense que tant qu'avoir un bibelot, t'as aussi bien d'avoir un bibelot legit, tu sais, comme fini final, comme dans scellé dans le vrai, tu sais. Ça pourrait valoir la peine. Puis y a les gens sur ces pages-là m'ont recommandé d'aller dans les conventions quand ça allait revenir, les conventions. Aux États-Unis, par exemple, Wata, ils ont souvent des boots dans les conventions qui font du grading live, tu sais. Fait qu'en plus, tu peux voir le processus puis tout, puis ils gradent ton jeu, puis c'est fantastique, tu sais. Fait que c'est ça. Mais aussi, c'est important, tout se joue sur la note que reçoit ton jeu. Donc, si tu fais grader ton jeu sealed, mais que le seal, il est brisé une place, il y a un petit coin bossé, tu sais, en bas de 9, tu sais, c'est pas bon, là. Tu sais, ça gagne vraiment pas autant de valeur, là. C'est au-dessus de 9, 9 point quelque. Là, on commence à jaser, puis là, le monde sont comme « Ouh, beau grading », tu sais. C'est vraiment, c'est comme un circle jerk de collectionnage de grading. C'est vraiment fucké, man. C'est un drôle d'univers, laisse-moi te le dire. Mais ça te prend une bonne note, tu sais, pour que ton jeu ait une vraie valeur. Donc, voilà. Je vais checker ça. Je continue à regarder ce phénomène de près, juste par observation. On n'a pas... Tu sais, nous, chez Retro MTL, on l'explorera peut-être, je sais pas, mais je pense pas que... Tu sais, nous, on fait plus d'argent à vendre des Wii Remote là, au volume qu'à vendre un jeu gradé, tu sais, tu comprends? On va en avoir dans notre nouveau présentoir, les trois jeux qu'on a envoyés. Puis on vient de trouver dans nos jeux NES, la collection NES qu'on a reçue la semaine dernière, On a trois jeux sealed qu'on a eu. Tu sais, genre pas des grands jeux là. Il y a des affaires importantes, par exemple, quand c'est des choses qui existent. Mettons Spider-Man, tu sais, des jeux de Spider-Man sont intéressants parce que l'univers de Spider-Man va toujours être populaire, tu sais. Fait qu'on a un Melon Secret Castle au NES sealed. Ça, on peut le faire grader, on va l'envoyer avec les autres, là, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est quoi dans le jeu, donc? C'est genre Friday the 13 ou quelque chose de même. Un truc d'horreur, là, tu sais, fait que... Ah, c'est Jaws, même, je pense. Fait que Jaws, dans la culture populaire, ça a une certaine... Ça a un engouement. Fait qu'un Jaws gradé, sealed, clean, avec une valeur de 9.quelque, ça pourrait aller chercher pas pire, je pense. Encore une fois, il faut trouver la bonne place pour le vendre. T'sais, eBay peut être une place aussi. Mais en tout cas, on va regarder ça. On va regarder ça. Bon, vous tenir au courant là-dessus, mes petits poulets. Ah, man, j'aime pas le show d'aujourd'hui. J'ai l'impression que je déparle, que je dis n'importe quoi. Là. C'est parce que je suis très déconcentré là, par les messages que je reçois. Là. Les affaires se passent. Mais je vais quand même me présenter des petites acquisitions. Donc, bien sûr, comme tout le monde, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, que je me suis pogné une copie chez Retro MTL. Tout le monde capote, Internet capote, man. Moi, j'avais joué à ça sur Wii U, j'avais bien aimé ça. Puis, comme tout le monde, je m'en suis pogné une copie ici pour Switch. Je joue avec mon fils, on a bien du fun. Mais je suis comme étonné, moi, de voir le monde tellement virer fou avec ça, tu sais, c'est... Man, Mario, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans Mario, la coke, man, le monde, il voit un jeu de Mario, ah, ça vire fou. Enfin, c'est fucking juste tout le temps la même affaire, Mario, là, à peu près, là, on s'entend. La page Facebook Nintendo Fans Québec, man, tu sais, comme il y a un post, là, de genre Mario 3D World à toutes les demi-heures, tu sais. Guys, c'est incroyable, ça. D'accord, Nintendo Fans, là, mais quand même. C'est pas révolutionnaire, là, ce jeu-là. Là. C'est bien le fun. C'est le fun. On a du fun. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas, tu sais, pourquoi il y a un tel engouement. Puis cette semaine, au magasin, tu sais, c'est ça, c'est la sortie de ça. C'est ça. Ça capote, là. Et les précommandes, on avait full en magasin. Ça s'est rué, tu sais. On en vend des dizaines, des dizaines, des dizaines. Fait que, alright, là, c'est good. Tant mieux, ça fait, tu sais, ça. Ça bâtit, il y a un genre de petit hype autour de ça. Ça fait comme un événement, entre guillemets, tu sais. Ça fait vendredi matin, il y avait un line-up dehors, tout le monde est excité. Les chums viennent chercher leur copie, on jase, tu sais. C'est un beau moment, puis c'est des bonnes ventes, tu sais. Mais c'est ça, je suis comme épaté à chaque fois de la puissance, de l'engouement des gens sur les affaires de Nintendo. Tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, oh, Nintendo, c'est mort, Nintendo, c'est comme d'où. » Nintendo, ils ont juste à faire ça, puis ils rajoutent un petit Bowser's Fury là-dessus, là, puis comme la Terre fend en deux, là, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ils ont des IP tellement puissants, ils seront jamais mal pris, là, tu sais, comme, c'est sûr, sûr, sûr, là. D'ailleurs, Bowser's Fury, j'ai joué un peu avec mon fils, c'est intéressant, hein, c'est comme un totalement open world avec Bowser qui est de... C'est comme dans Castlevania 2, hein, soudainement, c'est la nuit, puis là, Bowser, il sort, puis il essaie de tuer... Et puis, c'est bien fait. Sauf qu'à deux, c'est mon fils qui jouait, puis moi, j'étais juste le fils de Bowser qui flotte autour, puis que je peux rien faire à part de pogner une couple de trucs, donner des coups de pinceau. Donc, il était un peu moins participatif, je dirais. Mais cela dit, comme c'est une très belle addition, là, le jeu Mario 3D World, il y a déjà beaucoup de choses à faire dedans. Il y en a qui disent c'est cool. Oui, c'est cool quand tu veux le finir d'une traite, mais ramasser le stock, tu sais, t'en as pour toujours. Et puis, Bowser's Fury, c'est un jeu en tant que tel. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans aussi. Donc, t'en as pour ton argent. C'est un très, très beau package. Et puis, c'est ça. J'ai trouvé ça bien, Bowser's Fury, sérieux. Même si c'est pas moi qui contrôlais vraiment. Mais on a du fun. Pour vrai, là, tu sais, comme des fois, ça me tente plus ou moins de jouer avec mon fils à... Mais c'est comme quand je m'assois avec lui pour jouer à ça, on a bien du plaisir. Je vais pas en parler plus longtemps que ça, parce qu'on en parle demain à Rétro Nouveau, puis vous avez toutes déjà joué. Fait que c'est ce que j'avais à dire là-dessus. On a reçu aussi chez Rétro MTL Turrican Flashback. Donc, c'est le 30e anniversaire, mesdames et messieurs, de Turrican, rien de moins. Et puis ça, c'est une compilation de 4 jeux de la série Turrican. Donc, t'as le premier Turrican qui est sorti, il me semble, à l'Amiga. Et t'as Turrican 2 qui est sorti... ça, je sais pas, hein, sur quelle plateforme. Faudrait que je l'ouvre, je regarde en dedans, mais il est pas ouvert encore. T'as Super Turrican qui était la version Super NES. Et puis Mega Turrican qui est la version Genesis. Donc, t'as Amiga, Super NES, Genesis, puis l'autre Turrican 2, je sais pas ce que c'est. Y a pas... Peut-être que c'est Super Turrican 2 ou Super NES, mais qui s'appelle juste Turrican 2, je sais pas. Ça doit tout être sur Internet, anyway. Donc, très belle chose que ce Turrican Flashback. C'est bizarre, hein? Moi, j'ai full d'affaires Turrican. J'ai ça. J'ai Turrican 1 et 2 au Super NES. Le 2 vaut quand même pas mal cher. Et puis, j'ai aussi Gunlord X sur Switch, qui est un fan... C'est un jeu indie, mais basé sur le gameplay de Turrican, tu sais. J'ai Turrican au Game Boy. Je l'avais au TurboGrafx-16, j'ai vendu tout ça. Donc, je suis le gars qui a le plus de Turrican au monde et qui joue pas à Turrican. Non, Turrican, c'est un peu comme Contra, entre gros guillemets. C'est un run and gun, mais très exploratoire. Tu sais, les niveaux, ils sont grands, puis il y a plein de chemins que tu peux aller. Et puis, tu pognes plein de guns de power-up, et puis tu as un deuxième gun qui freeze les ennemis. Donc, bref, c'est très simple, frénétique, c'est rapide, tu sais, le gameplay et tout. Donc, c'est quand même une série très badass, très cool. Et puis... on pouvait en avoir au magasin, fait que je m'en suis pris une copie, c'est sûr. Donc, allez voir du gameplay. Si vous pensez que ce type de série-là peut vous parler, ben, garochez-vous. Il nous en reste quelques copies encore. Du lot de NES, je suis rendu tristement là. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Quand on reçoit beaucoup de jeux NES au magasin, il n'y a plus grand-chose que je garde pour moi. Mais on l'avait déjà eu, ça. Puznik, CIB, au NES. On l'avait déjà eu dans un autre lot de NES qu'on avait acheté, mais la boîte n'était pas belle. Mais dans ce cas-ci, la boîte était à mon goût. Et puis, il y a le livret aussi dedans. Alors, Puznik est un puzzle game. Quand tu regardes la pochette de même, c'est très abstrait. Ça dit pas grand-chose. Si vous avez une multicarte NES, c'est... tu sais, là, les 260 in-one et tout ça. C'est l'un des Tetris, genre Tetris 3, Tetris 4, je sais pas. Il y a plein de bons jeux hein, dans ces Tetris-là. Il y a Puznik, il y a Flip-Pool, il y a Quarth. C'est tous des bons jeux qui sont sortis au Famicom, dont la plupart ne sont pas sortis en Amérique du Nord. Mais Puznik est sorti en Amérique du Nord et il figure dans la librairie officielle NES. Et puis, c'est ça. Mais moi, la pochette abstraite, je l'aime bien. Puis c'est un puzzle game peu connu. Hidden Gem, on pourrait quasiment dire. Et puis, c'est ça, j'aime ça. Tu sais, je dormais la nuit, j'en dormais pas la nuit de pas avoir ça. Mais quand ça passe puis était finalement en bon état, ben, je l'ajoute. Très belle chose. First Print, Taito, pis tout. Donc, ça vaut pas énormément. C'est un petit jeu, là, on s'entend. Mais je rajoute une petite boîte dans ma collection. J'adore ça. Donc, petite gorgée de café pendant que je viens de recevoir un troisième email de la comptable à matin. Il va peut-être falloir que je check ça. Je vais juste finir avec les jeux que je joue présentement. J'ai décidé d'essayer de faire Shantae, le premier Shantae au Game Boy Color. Donc, j'ai publié sur ma page Facebook. J'essaie de pogner le bon focus là. Sur ma page Facebook, vous avez vu que j'ai acheté les deux jeux de Sabrina au Game Boy Color. Et puis, dans le fond, j'achète les jeux de Way Forward au Game Boy Color. J'ai déjà Shantae, j'ai terminé Wendy, j'ai les deux Sabrina. Il manque juste Extreme Sport pour être heureux. Et puis, je me suis dit, hey, j'ai Shantae, moi. Une cassette qui vaut quand même genre 700$, me semble. Et puis, je veux le finir sur l'original hardware, l'original software. Je veux finir cette cassette physique-là, avant que la batterie meure d'ailleurs. Donc, j'ai commencé et puis j'avais déjà joué un petit peu, juste gratté la surface. Puis, tu sais, je l'ai commandé sur Limited Run aussi parce qu'ils vont le refaire sur Switch. Mais je voulais vraiment, tu sais, comme juste pour la forme, le faire sur la vraie cassette. Et puis, c'est intéressant. C'est vraiment plus difficile. C'est vraiment comme long marcher d'une place à l'autre. Et puis, les danses que tu fais, c'est pas juste peser sur un bouton. Là. Il faut que tu rentres des combinaisons de sur le gamepad. Tu sais, ça... Ouf! C'est moins léger, t'sais, c'est plus lourd, là, c'est plus rentre-dedans un peu, là, je trouve. Ça peut être décourageant, il n'y a pas d'indication. T'sais, ils disent « Ok, va à tel village. » Et peux-tu me dire « Es-tu à gauche ou est à droite? » Parce que si je vais à droite, je pars moi pour une demi-heure d'aventure là, de me faire tuer puis me rendre jusqu'au bout pour finalement me rendre compte que fallait que j'aille à gauche. T'sais, tu comprends? On peut s'y perdre là, facile. Donc, ça manque d'indication. Puis les danses, là j'en ai juste une, mais c'est ça, c'est un peu un pain in the ass là, de faire la combinaison pour que tu te transformes en singe et tout. Donc, puis j'ai l'impression que ça va être une longue aventure là, malgré tout. Fait que je m'attendais à embarquer là-dedans léger. Je pense que c'est un projet. Je pense que c'est un pas pire projet. Et puis c'est drôle, j'ai comme un flashback. On dirait que j'ai déjà dit ça. Tout ce que je suis en train de dire, man, ça a le café encore une fois qui me rentre dans le cerveau. Et puis, c'est ça. Donc, j'avais commencé. Je me suis rendu plus loin que j'ai jamais été dans le jeu-là, venir jusqu'à la date. Mais je me rends compte que je suis quand même pas loin encore. Donc, je suis sur le bord de réabandonner. Je sais pas, là. Peut-être quand la version Switch va sortir, ça va être plus facile là, que jouer dans mon petit Game Boy, tu sais. On va voir. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est de découvrir que beaucoup de choses du premier Shantae sont encore présentes dans jusqu'à 5 jeux plus tard, tu sais. La musique... des musiques, des personnages, quand elle est accroupie, elle se coule derrière, là, tu sais, beaucoup de choses, des gimmicks, tu sais, c'est respecté, donc ça, c'est très nice. Très bel item, tu sais, bien sûr, je suis très fier d'avoir ça dans ma collection, donc je commence, là, à mettre sur ma wishlist une couple de jeux Game Boy Color, là. Au début, je trouvais ça dégueulasse, mais on dirait, je sais pas, ces petites cassettes-là, translucides, là, en avoir un petit stack de 10, là, bien condensé, juste des bons jeux, là, on dirait que ça commence à me parler. On dirait que je me trouve des projets, là, tu sais, de collection. Fait que je garde un œil là-dessus. Deuxième, je vais finir avec ça aujourd'hui, je joue présentement à Trip World au Game Boy. Et puis ça, c'est un jeu qui est sorti au Japon et dans les Europes seulement. Je vous l'avais déjà présenté, donc vous voyez ici sur la cartouche, c'est pour ça que le Nintendo Seal il est rond. Ça, c'est la version européenne et la version la plus désirable, à mon avis. Fait que dans Trip World, c'est le genre de petite bébite-là, là, j'essaie que ça focus. On dirait un peu Kirby, tu sais, c'est comme un petit puff blanc avec des petites oreilles, là. Et puis, ce jeu-là, ton petit bonhomme, il peut se transformer. Ça fait penser à Mr. Gimmick, tout ça. Mr. Gimmick est un puissant jeu qui n'est pas sorti ici en Amérique du Nord non plus. Où est-ce que tu es un petit protagoniste du genre qui se transforme? Et puis dans Trip World, tu peux te transformer en poisson. Donc tu as des zones d'eau. Et puis tu peux te transformer comme que tu peux voler. Mais tu peux pas voler à travers un niveau complet. Tu peux juste pitonner un peu sur le bouton. Puis là, tu t'envoles en diagonale. Puis là, tu n'es plus capable. Puis là, il redescend. T'sais. Fait que ça donne vraiment pas grand chose de voler dans le jeu-là, me dire là. Pratiquement rien. C'est un étrange jeu pour vrai. C'est un jeu très désirable. Ça, c'est un genre de gem, là, tu sais. Ça vaut quelque chose. Et puis on a pogné ça dans un lot chez Retro MTL, comme la chance incroyable que ça me passe entre les mains. Je l'ai gardé pour moi, bien sûr. Mais puis je suis très fier d'avoir ça dans ma collection. Mais tu sais, c'est un drôle de jeu. Là, comme visuellement, c'est un des plus beaux jeux Game Boy jamais vu. La musique est incroyable. Mais tu sais, les ennemis dans le niveau, ils te font pas mal, tu sais, ou très peu. Là, il y en a très peu qui te font mal, sauf si tu les kicks. Puis là, il y en a qui pognent les nerfs. Puis là, ils commencent à te faire mal. Mais si tu laisses tout le monde tranquille, il y a personne qui te fait mal. Fait que tu passes à travers les niveaux comme ça. Il y a juste les boss qui te font mal. C'est très weird. Ton attaque, c'est ça, c'est un kick, mais t'as aucune portée. Là, c'est juste comme pshut, la patte à te lève de même. Pshut, pshut, pshut. Puis il n'y a pas de portée à ça, tu sais, c'est ridicule. Tu pognes des power-ups pour lancer des graines qui mettent des fleurs sur la tête des ennemis, puis ça les gèle, mais les ennemis te font pas mal anyway, fait que tu t'en fous. T'as un autre power-up où est-ce que t'as une genre de queue là, que tu peux faire une rotation avec pour attaquer les ennemis. Ça, c'est bien, mais encore une fois, t'as pas besoin d'attaquer personne ou très peu de gens. Donc, tu sais, ou un autre que tu peux te transformer en balle, puis tu rebondis à travers l'écran. Tout ça est merveilleux. Les ennemis sont absolument magnifiques, tu sais. C'est vraiment beau, là. Ils se transforment eux-mêmes en plantes et tout, là. C'est un jeu, je vous dis, c'est un jeu magnifique, mais c'est un jeu étrange. Les ennemis te font pas mal, puis tout sert à rien. Puis j'essaie de le finir, je m'étais jamais vraiment assis pour comme faire ce jeu-là. Et puis j'ai commencé hier. Puis comme il y a 5 niveaux, les niveaux ça va très vite. Tu sais, comme quand tu t'arrêtes pas aux ennemis, tu passes au travers de ça. Et puis, te rendre au dernier niveau, c'est genre 12 minutes, là. Faire tout le jeu. Tu sais, un coup que t'es habitué, là, 12-15 minutes. Et, mais là, je suis pogné à la fin. À la fin, c'est un genre de boss rush. T'as plusieurs ennemis à combattre. Plusieurs boss à faire. Puis, ce que j'ai vu, c'est ça la fin du jeu. Je sais pas combien il y a de boss. Mais je me rends juste au deuxième, puis comme il me tue, là, tu sais. Puis il n'y a pas de continu. Fait que tu as 3 vies pour faire le jeu au complet. Et puis, ce qui est correct, là, dans un sens, mais j'arrive pas à me pratiquer, tu sais. Je peux pas me pratiquer à faire les boss finaux parce que faut que je fasse le jeu au complet. Là, je suis game over, c'est comme, faut que je refasse tout le jeu, que je me rende à la fin. Puis là, comme je peux me pratiquer à voir la routine des boss, là, tu sais. Je t'avais de tricher puis aller voir du gameplay sur YouTube, voir c'est quoi que les gens ils font pour battre les boss comme ça. Après ça, je vais répéter moi-même l'expérience au lieu que je passe toute ma vie à grinder, à me rendre jusque-là à chaque fois, tu sais, tu comprends? Je vais quand même accomplir le fait de finir le jeu, mais je vais juste voir le pattern en ligne, tu sais, pour mieux le comprendre, pour que ça finisse un jour. Un support, là. Mais vu que j'étais à COVID à la maison aujourd'hui, ben je vais peut-être checker ça, essayer de finir ça aujourd'hui. Je veux quand même finir ce jeu-là, tu sais, c'est un jeu très très cool. Donc, ouais, très étrange chose, mais allez voir du gameplay sur YouTube, c'est tight, c'est joli. Si vous aimez le Game Boy, c'est une chose à connaître. Donc là, il faut vraiment que je vous laisse, parce que les messages fusent de toutes parts. Et puis, c'est lundi matin, hein, puis il faut que j'aille faire ça. Donc, désolé, guys, j'aimerais être plus steady. C'est quasiment une semaine sur deux, là, présentement, que je fais des podcasts. C'est que, comme la transition de Retro MTL nous prend énormément de notre temps, la réouverture, tu sais, puis le réaménagement du magasin, bref, c'est non-stop. Puis le matin, quand je me lève, tu sais, comme enregistrer un podcast, ça... Avant de finir tout puis de partir pour. J'arrive au magasin à 11h, il y a déjà un bon bout de fête là, de la journée. Puis là, faut que j'ai des contrats de graphisme aussi à faire au travail. Bref, je suis vraiment fucking occupé. Donc, j'aimerais en faire plus, mais pour l'instant, j'ai bien de la misère. Mais malgré tout, merci d'être là, les amis. C'est très apprécié. Et puis de suivre. J'ai des bons commentaires, sérieux. Vous m'écrivez et tout. C'est vraiment, comme, vraiment gentil. Merci, merci. C'est un drôle de podcast, je le dis souvent, c'est pas nécessairement totalement sur les jeux vidéo tout le temps. C'est, pour moi, c'est juste comme pour parler comme ça, pour ventiler, ça me fait du bien. Puis ça me fait plaisir de jaser avec vous. Quoique, j'aimerais ça des fois avoir quelqu'un avec moi juste pour bouncer, tu sais. Quand la COVID va être finie, je veux vraiment avoir des de temps en temps là, quelqu'un avec qui discuter. Là, on fera des épisodes plus précis sur certaines choses, là, tu sais. Mais tout seul de même, à se lancer la balle à soi-même pour parler, tu sais. Je suis rendu habitué de le faire, mais des fois, j'aimerais ça avoir du monde, t'sais. Puis ça me tente pas de le faire virtuel, là, t'sais. Je veux un vrai humain devant moi, là. Fait que ça va venir. La COVID achève, lâchez pas. Et puis, encore une fois, merci. Suivez ma page Facebook Papa Cassette et regardez la page de Retro MTL. Beaucoup de développement à venir. Bonne journée, tout le monde.